quel enfer! Vous le savez, c'est la semaine du style vestimentaire, alors hier j'étais faire un petit peu de shopping. Mmh. Car mon entourage, il faut l'admettre, commençait à me faire des réflexions quant à mes tenues vestimentaires. Et que les shorts en cuir c'est dépassé, et que les barésilles ça fait vulgaire, et que le Marcel à trop-trou ça fait camionneur, etc., etc. En veux-tu, voilà. J'arrive donc dans une boutique, un type m'accueille, me dit bonjour. Jusque-là, rien de très original. Il enchaîne en me demandant ce qu'il peut faire pour moi. Je réponds que je souhaite changer de look. Ah, c'est là, elle réplique. Ah ben, je comprends, il explose de rire. Je me dis, Helmut, tu vas pas laisser faire ce marchand de siphon se foutre de ta gueule comme ça sans réagir. À cette question existentielle, je me réponds, non, et je lui casse la gueule. Deux minutes plus tard, une vendeuse arrive et me demande ce que je recherche. Je recherche quelque chose de nouveau et de discret, je veux changer de look. Elle me tend un costard blanc à paillettes avec des boutons dorés en forme de coquillage et des mocassins vernis blanc. Je lui dis, j'aime bien, mais ça fait un peu trop crénel. Ça fait un peu trop strict et clean pour mon way of life. Elle me demande, c'est quoi votre way of life? Je lui raconte que la convivialité, elle me demande d'être plus précis. Ah ben, je précise, une journée type, alors, levé 7h20, petit déj, schnapp, choc à pique, c'est normal, 7h35, chronique, chez Crédel, 10h, sieste sur un bord public, 10h02, premier, pigeon qui me prennent pour des chiottes, 20h, dîner, schnapp, choucroute, 22h, rendez-vous avec 43, 44 copines, et enfin, minuit, 6h, le Tajik Palace Tropical, mon nightclub préféré. Là, elle éclate de rire et me traite de blaireau. Eh ben... Le blaireau, il va mettre une peignée à la loutre, on va voir si elle la ramène toujours après. Je m'apprête à lui mettre un coup de pied et chasser, fouetter dans la gorge. C'est ma spécialité. Quant à ma grande surprise, elle saisit mon tibia de la main droite et mes organes génitaux de la main gauche. Ah, la craveur. Elle connaît les secrets du kung-fu. Alors, vive comme l'éclair au-dessus des collines du Connemara. J'ai... Non. Je sais, c'est pas joli, joli. Oh non. Ah ben non, c'est même pas très fair play. Mais j'ai chanté ce à quoi aucune femme ne résiste. Love me, please, love me. Là, forcément, elle a craqué. Elle a lâché mon petit bien et mes boules. Elle s'est roulée par terre en hurlant. Castor sénégalais, dégêne-toi, prends tout ce que tu veux, mon corps est en solde. En ce moment, c'est prends mon libido, tu payes une position, tu peux en faire quatre. Dégêne-toi. Alors là, vous me connaissez, oui. J'ai du mal à résister. En fait, j'ai pas résisté du tout. J'ai mis un grand coup d'extincteur dans la tronche, et puis pendant 22 heures, on a fait comme des chefs de chantier. Ah, je l'ai laissé dans un semi-coma, j'ai remis mon short en cuir, mes barres ayant filet de pêche et mon Marcel à trou-trou, et je suis rentré. Pff, moi qui suis à la pointe de la mode me traiter de blaireau. Quelle buse. Oh, Biderzek.